Après l'heure, je connais les bails. Go, baby girl, goodbye. Go, baby girl, au revoir. Go, go, go, shawty. Tu voulais mieux, y'a pas. Et dans tes yeux, je le vois. Tu veux sans place, go, go. Tu regrettes, maintenant c'est trop tard. Je rejetais mes appels de phare. Je te voulais, mais tu me voulais pas. J'aurais tout fait pour un gant. Dans mes DM, te revoilà. Je sais que tu voudrais vivre cette vie-là. Quelqu'un d'autre la vivra pour toi. Je lève mon majeur, vendu. Okay. Je le lève, au revoir. Après tes copines, t'as du mal. Les stories, je sais que tu les vois. Ça pique, mais bon, tu te vois la face. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai la jalousie que tu as. J'ai mon passé, c'est mieux comme ça. Et t'as quitté toutes mes mémoires. Go, go, go, shot. Après l'heure, tu connais les vibes. Go, baby girl, goodbye. Go, baby girl, au revoir. Go, go, go, shot. Je t'aime, mais un bel de fort. Je te voulais, mais tu me voulais pas. J'aurais tout fait pour you. Dans mes DM, te revoilà. Je sais que tu voudrais vivre cette vie-là. Quelqu'un d'autre la vivra pour toi. Je lève mon majeur for you. Pull up vers 22. Je récupère, bébé, on va faire les fous. Aucune douleur, je reste debout. Sans hésiter, je tourne la page et tout. Je comprends pas ton problème. T'envoies des messages, c'est quoi elle t'aime? C'est trop tard pour les je t'aime. C'est maintenant que tu me dis que je t'ai manqué. Mais l'occasion, tu l'as manqué. De la valeur, je t'ai donné. Elle a tout a chuté. C'est fini, je t'ai remplacé. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la jalousie que tu as. Que mon passé, c'est mieux comme ça. Non. Go, go, go, shot. Après l'heure, tu connais les vibes. Go, baby girl, goodbye. Go, baby girl, au revoir. Go, go, go, shot. Tu voulais mieux, y'a pas. Et dans tes yeux, je le vois. Tu veux sans place. Go, go. Tu regrettes, maintenant c'est trop tard. Je t'aime, mais un bel devoir. Je te voulais, mais tu me